Quelques jours après, Vautrin apprend à Eugène que le guet-apens qu'il a conçu pour faire tuer le fils Taillefer va être mis à exécution. Le soir où Eugène veut faire avertir ce fils de ce guet-apens, Vautrin l'anivre, lui et le père Goriot. Le lendemain, on apprend à la pension la mort du fils Taillefer. Et, avec Madame Couture, Victorine quitte la pension pour aller rejoindre son père. Le même jour, moyennant les 3 000 francs offerts à elle par la police, Mademoiselle Michonneau drogue Vautrin et s'assure qu'il est bien le célèbre forçat évadé, recherché par la police, de son vrai nom Jacques Collin, surnommé Trompe-la-Mort. Le forçat est aussitôt arrêté par la police, mais les pensionnaires, découvrant la complicité de Mademoiselle Michonneau, exigent qu'elle parte de la pension, avec Poiré. De son côté, le père Goriot est ravi d'emmener Étienne rue d'Artois, où il l'installe auprès de Delphine, se réservant un autre appartement pour lui, à un étage supérieur, pour être toujours le plus près d'eux.